ce que vous allez ressentir en portant Varilux Confort. Imaginez ce que vous allez ressentir en portant Varilux Confort. Imaginez ce que vous allez ressentir en portant Varilux Confort. Imaginez ce que vous allez ressentir en portant Varilux Confort. Les premiers verres progressifs anti-effet retard. Pouvoir saisir instantanément tous les détails du champ visuel. Sans faire de mise au point. Varilux, un verre et silor.